FLXIA, Nyoma, RIFA, pour efficacité. Je voulais me poser sur le toit du monde. On m'a dit à quoi tu joues, fais gaffe si tu veux pas finir condamné à plus voir le jour. Comme Timoclès, il pleut des cordes, mais c'est pas pour ça qu'on va se pendre. La vie c'est de la boxe, des coups tu vas en mettre aussi en prendre. Hey, flex dealer, chaque prod est une cible. Le savoir est une arme et on est d'excellents tireurs. On a soif de réussite, alors vas-y paye un petit ref. Mais grappe pas l'amitié car j'ai confiance comme mon petit refrain. Les yeux vers le ciel, parfois je fais le tri dans ma tête. Viser plus haut, c'est le conseil que je donne aux petits dans la tête. On fait nos bails comme beaucoup, nous on vient de loin. On pense à hier sans savoir de quoi sera fait demain. Mais peu importe ce que la vie nous réserve, on restera fort et brave, on fournira l'effort. Même si sur nous des enfoirés bas, forgés par la rue, sur nous elle a laissé des traces, à nous d'en faire autant. Ouais, mais pour ça faut pas baisser les bras. Y'a pas de demi-mesure, on vise plus haut même si la route est longue. On vise plus haut même si la route est longue. Dans le rapport de témoin, la vue est plus belle sur le toit du monde. La vue est plus belle sur le toit du monde. Tu peux pas leur ajouter, tu sais que mon regard en dit long. Tu sais que mon regard en dit long. On veut toucher les étoiles, c'est la lune que nous visons. Marre de squatter les sous-sols, faut réussir quitte à finir tout seul. Certains atteignent les cieux qu'une fois entourés dans un linceul. Moi je fais ma place, quitte à la foule et donc me mets pas le seul. Si ça brasse, Inch'Allah, on se reverra sous le seul. Faut que j'atteigne mon but sans m'égarer. Agacez pas toutes ces épreuves, j'ai tant de choses à déclarer. Frère, le sommet de la pyramide, essaie de te leurrer. Donc ne baisse pas les bras, tiens le coup car rien ne sert de pleurer. Et le beat, j'en dommage, prends de l'âge, il faut de l'argent. J'ai le dollar, je monte une marche, on descend de ses navrants. Veux prendre ma marche, prendre le large, brasser c'est plus que t'entends. Au max, prod, équipe de page, c'est la relève que t'attends, t'entends ou pas. Pour réussir faut être un battant. Abat tous les barrages, y'a pas le time, le trône est vacant. Hommage comme d'hab, veux pas commencer à compter sur les gens. Parce que j'acherai le steak une fois que je serai entré dans la légende. Y'a pas de demi-mesure, on vise plus haut même si la route est longue. On vise plus haut même si la route est longue. Dans le rapport de témoin, la vue est plus belle sur le toit du monde. La vue est plus belle sur le toit du monde. Tu peux pas leur ajouter, tu sais que mon regard en dit long. Tu sais que mon regard en dit long. On veut toucher les étoiles, c'est la lune que nous visons. Peu importe ce que ça coûtera. Et si ça marche, la famille, les proches, on les oubliera pas. Yeah. On y arrivera, peu importe où ça nous mènera. Mais assis sur le toit du monde, je sais qu'on le regrettera pas. Yeah. Y'aura un drame si tu me dis que j'ai pas vécu la vie de cité. Y'aura des flammes dans mes yeux autour de moi de l'électricité. Car j'ai vécu les trucs bien avant toi, même si j'en dis pas l'avantage. On me dit sois plus vénère, mais c'est pas mon genre de faire le vantard. Même si je pue la street, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Comme toi j'ai fait ce qu'il est Gremlins, j'ai fait ma place dans mes seins. Comme toi j'ai couru pour des paires de seins, des gros pillages. Mais maintenant je suis serein, j'ai construit mon triumvirat. J'suis passé par toutes les galères qu'on puisse imaginer. Tu sais le peurat c'est pas inné, moi c'est la rue qui m'a signé. J'suis le grain de sable dans la machinerie, tes oreilles se mettent à saigner. Y'a pas de demi-mesure, tu sais c'est le peurat qui m'a désigné. Des fois le chétan m'attire, j'me reprends, je dois bien agir. Si t'es un faux MC, ferme ta gueule, si t'as rien à dire. Dit orage, construire un empire prend plus d'une seconde. Bientôt on en reparlera depuis le toit du monde. Y'a pas de demi-mesure, on vise plus haut même si la route est longue. On vise plus haut même si la route est longue. Dans le rapport de témoin, la vue est plus belle sur le toit du monde. La vue est plus belle sur le toit du monde. Tu peux pas leur ajouter, tu sais que mon regard en dit long. Tu sais que mon regard en dit long. Toucher les étoiles, c'est la lune que nous.